Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu jina Yesu Kristo. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila kawia tushimame njoo usome neno. Je salue en particulier l'ancien Tokole. Kwa pekee nasalimia mzee Tokole. Que Dieu vous bénisse. Mwembariki. Prenons notre écriture. Tout à chuko andikoletu. Dans Josué au chapitre 1. Yeshua sura kia kwanza. Verset 2. Musa kapiri. Jusqu'au verset 5. Fika pakanatano. Et nous prendrons aussi Esaïe 2. Na tutachukua tena Isaïe sura ya pili. Verset 12. Mstari wa 12. Verset jusqu'au verset 14. Tafika hata kumsa ya 14. Esaïe au chapitre 2. Isaïe sura ya pili. Verset 12. Mustaika kuminambiri. Jusqu'au verset 14. Ata kuminaine. Nous commençons avec Josué chapitre 1. Tunaanza na Yoshua sura ya kwanza. Notre Père Céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Merci encore une fois de plus. Mara ingine tena tunasema asante. Pour ce merveilleux temps que tu nous as donné. Kwa hiyo wakati adamani wetupatia. D'être dans ta présence. Njua shikuya mwopu yako. Sous le sang versé au bas du calvaire. Chini ya ile damu ulibwanga kumucha calvario. Et au nom de Jésus-Christ. Na mujina la Yesu Kristo. Pardonne nos péchés. Urumie mazambi yetu. Pardonne nos iniquités. Urumie maovu yetu. Pour que notre prière te soit favorable. Usudi maombi yetu ipate kufikia. Au nom de Jésus-Christ. Ujina Yesu Kristo. Exauce chaque prière qui t'a été adressée ici. Ujibu kukila ombi mtoto wako kuelekea hapa hifadhi. Tu es notre père. Wenjo baba yetu. Tu es compatissant. Na ukuna buluma. Tu réponds même aux désirs les plus profonds de nos cœurs. Unekalaka mkujibu atamania ya upana kabisa ndani ya moyo wetu. Que nous les exprimons. Mbele hata tupate kuisema kukinywa. Fais-le pour notre joie. Ufanye tena njoa furaha yetu. Et pour la gloire de ton nom. Na njoa utukufu ya jina lako. N'oublie pas les requêtes qui t'ont été adressées. Usisabwe mahitaji tulikuletea. Et toutes les prières qui se sont élevées en faveur de ces requêtes. Na maombi yote ilamuka wala balisema njoa mahitaji. Avec foi. Na imani. Nous croyons que tu le feras. Tuamini ya kwamba utaifanya. Bénis ce culte ce soir. Bariki ibada imangaribi. Au nom de Jésus-Christ. Ujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Josué 1. Yoshua sura ya kwanza. Moïse mon serviteur est mort. Musa kapi, Musa mtumishi wangu anafariki. Maintenant lève-toi. Sasa upate kushimama. Passe ce Jourdain. Utambuke Yordea. Toi et tous ces peuples. Weye pamoja na taifa yote. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Kusudi upate kuingia mwinchi na pachia watoto wa Israeli. Tout lieu où foulera la plante de votre pied. Fazi yote ile mikulu yenu itafinyanga. Je vous le donne. Nimpatiayo. Comme je l'ai dit à Moïse. Pavile nilimwambia Musa. Vous aurez pour territoire. Jimbo yenu itakuya. Depuis le désert et le Liban. Tangia kujangwa kufika paka Liban. Jusqu'au grand fleuve. Kwenda kule muto munene. Le fleuve de l'Euphrate. Ile mutoni ya Euphrate. Tous les pays des Étiens. Nchi yote ile wa Etien. Jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Na ata kubari mkubwa kule jua la riaka. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Wakati yote kunaishi hakuna mtu atakangala mbele yako. Je serai ukangala. Ce n'est pas une bonne tradition. Hakuna ola tajama mbele yako wala tashimama. Ola tashimama. C'est mieux. Ule atashimama mbele yako. Hakuna mtu atashimama. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna mtu atashimama mbele yako. C'est un terme qui n'existe pas dans un bon swahili. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna mtu atashimama mbele yako. Tant que tu vivras. Wakati wote unaishi. Je serai avec toi. Takuwa na wewe. Comme j'ai été avec Moïse. Pale nilikuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Sitakuachilia kamwe. Je ne t'abandonnerai. Na siwezi kukutupa kamwe. Ésaïe au chapitre 2. Isaïa sur la capitre 12. Usaria kia 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Kwani kuko siku moja njoo ya milele wa majeshi. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Njoo mtu wote wa kiburi na wa yeuri. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Kwa yoyote ule unajinyanula kusudi apate kushushwa. Contre tous les cèdres de Liban, du Liban. Kumbanisha miti yote ya Liban. Haut et élevé. Ya yulu na juu kabisa. Et contre tous les chênes de Bazan. Na hata mnyoro yote ya kubazan. Chêne. Miti. Ce sont les chênes de montagne. Miti ya milima. Contre toutes les autres montagnes et contre toutes les collines élevées. Na ata tumamilima toto kidoko. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma neno lake. J'exhorte chacun de vous. Napenda kuonya kila moja wenu. À prendre au sérieux les choses que nous sommes en train de vous enseigner. Apate kubeba na moyo yote ibitu tunafundisha. Ces choses vont vous aider dans l'avenir. Ibitu bitemsaidia mwenda mashiku. Pas seulement dans l'avenir. Apana tu maisha. Cela va vous aider même dans votre foi. Ata muimani itetusaidia kabisa. Le conseil que je donne ce soir à toute l'église. Shauri ile mitapachia kanisa yote magharibi. Après le culte, disposez un temps pour réécouter la prédication du jour. Kisha ibada ya kanisa mwanze kuchunga kwa wakati kidogo juu ya kwenda kushikilia tena imahubiri. Et prenez les écritures que nous lisons là. Na imaandiko yote tunasoma muibebe. Parce qu'il y a d'autres, nous les lisons, mais nous n'arrivons pas à la fin à cause du temps. Ça va bouger à wakati, kumandi ko ngine tunasoma kipande. Réalisez cela. Mwende mkaisome tena. Méditez encore sur ces choses. Ufikiri tena zaidi yula ibitu. Vous serez davantage éclairé. Sema mutangaziwa tena zaidi. Ça ne sert à rien. Abita saidia kukitu. Que je me tienne ici parlant comme quelqu'un qui prêche dans le désert. Nishima yetu hapa sa muntu leko na hubiri mujangwa. Je parle. Unasema. Comme si je prêchais dans le désert. Utona sa na hubiri mujangwa. C'est-à-dire où il n'y a personne qui comprend ce qui est dit. Nukusema mfazi mule amuna muntu le atashikia wala kuelewa bile binasemewa. Et même l'objectif de ce qui est enseigné. Na ata shaba yenye ile kuna fundishwa. Et pourtant, nous vous avons déjà averti plusieurs fois. Japo tunesha mipatia makalamusho mara mingi. Que chaque fois qu'un sujet est pris, wakati yote shina moja inabebwa, il y a un objectif à atteindre. Kunekalaka shaba. Maintenant, si vous n'êtes pas dans l'esprit du prédicateur, sasa we kama ona muru moya na mubiri. Et vous n'êtes pas connecté à la conduite du Saint-Esprit. Na amuna benye kunganishwa kumwenendo wa Roho Mtakatifu. Toutes les choses qui seront dites vont passer au-dessus de vous. Ibituyo tatasema ifashi vitemipita tu yulu. Et cela va vous embrouiller. Na ile takuletea tu mvuruko. Et vous ne serez pas avancé. Na hautaweza tena kuendelea. Et pourtant, Japo, nous sommes au temps de la fin. Tuko mwakati ya mwisho. où toute la Bible a été révélée. Mwili wa kati Biblia yote ilifunuliwa. Un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Mukristo mwanamke mwanaume wa kweli. Qui fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Mwenye kuwa na yeye kusemu ya bibi harusi. Est censé comprendre les écritures quand il les lisent. Anapaswa kuwa na uwezo ya kuelewa maandiko wakati anasoma. Et il y a beaucoup de termes bibliques. Na kuko misemo ya mingi ya Biblia. Il y a des tournures bibliques. Kuko ma kumba moya ya Biblia. Il y a des paroles prophétiques. Kuko maneno ya unabii. Quand on ne vous explique pas ces choses, wakati abamipatie fasilio ya ile bitu, vous serez toujours dans la confusion comme tout le reste du monde. Utakuwa na mvuruko parasa batu bote ya madini ya mdunia. Et pourtant, il n'y a rien qui est consigné dans les écritures pour rien. Ah, japo hakuna kitu kile banaandika kwa bure maandiko. Chaque terme qui est consigné là a une signification. Kila musemo iko Biblia iko na maana yayo. Et tout ce qui a été consigné dans la Bible c'est pour notre instruction. Na bile biote biandikwa mu Biblia ni njoshi tupate mafujifunzo pa ile. Quand vous lisez la Bible vous ne comprenez pas. Wakati unafika musoma Biblia na uelewe. Il y a déjà quelque chose d'anormal. Nikusema kuwa kitu kimwa akiende. Nous ne devons pas seulement nous appuyer sur l'évangile. Atwezi kushimama tu paka pa injili bule. Quand on prêche l'évangile, tout le monde est attentif. Wakati bien obiri injili batu bote benasikia. Quand on enseigne. Wakati banangia mafundisho. Les gens s'efforcent de comprendre. Bantu wanaanza jikaza sa kushikia kuelewa. Mais quand on entend la parole prophétique. Mais kama tunaingia sa maneno ya unabii. Vous devenez embrouillé. Unakuwa sasa na mvuruko. Là il y a quelque chose d'anormal. Pale kuna kwa kitu kimoja kiendeki. Parce que toutes les trois, sababu biote bitatu, les trois phases de la parole, ipande tatu ya neno, et notre nourriture, ni chakula yetu. Comme nous comprenons mieux, sababu tunaelewa mzuri, la parole évangélique, neno ya injili, la doctrine, mafundisho ya msingi, nous devons comprendre aussi correctement la prophétie. Tunapaswa nashi kufika mkolewa mzuri unabii. Nous saurons exactement à quelle heure nous sommes. Na tutajua kabisa kabisa ni wakati kani tunashafikia. Que Dieu vous bénisse. Mungu aimbariki. Qui a compris cette exhortation? Nani anaelewa makankamisho wala maonyo? Nous vous connaissons. La plupart des gens lèvent les mains quand ils ne comprennent pas. Tunemijua ba mingi ba namshaka mikono pala bashikie kintu. Qui a compris ce qui a été dit hier? Ni nani alielewa bile tulisema jana? Qui a compris ce qui a été dit hier? Wala ni nani alielewa bile tulisema jana? Ceux qui ont compris, mettez vos mains. Bare ba yelewa, mulamishe mikono yao. Ça va. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Munono, kubatu ba mingi bara wakuelewe jana. Je reprends. Na rudia kidogo. Avant-hier, on parlait du rétablissement du royaume d'Israël. Juzi tulianza kusemezea kurudishwa kwa ufalme wa Israeli. C'était qu'un complément. Ilikuwa tu ni maongezo de ce qu'on avait dit mercredi. Ya ile tusema kama mercredi. Nous y avons ajouté quelque chose. Na tuliongeza hapo tena kitu kimoya. Pour compléter, pour que la pensée de mercredi soit complète. Kusudi ile wazo ya mercredi ipate kueneana. Maintenant hier, sasa, dès le début, jana kumwanzo, je vous ai dit qu'on va parler sur la question de l'indépendance d'Israël. Niambia kusema tutasemezea juu ya uhuru ya Israeli. Et deuxièmement, na ya pili, nous allons parler du territoire tout et des limites que Dieu avait donné à Israël. Tutasemezea juu ya jimbo na hata mipaka ile Mungu alimpatiaka Israeli. Et troisièmement, j'avais dit dès le début, na hata tukule kumwanzo nisema, qu'on va parler tutasemezea des causes ma sababu de la guerre de 6 jours ya ile mvita ya mashiku sita et ses conséquences na matokeo ya ile mvita ya mashiku sita. Nous vous avons dit hier na tumeambia kusema jana que pour ce qui concerne la question de l'indépendance d'Israël, kwa ile inangaria uhuru ya Israeli, il ne faut pas oublier ce que nous avons déjà dit autrefois. Mushisabu bile tusha kusemaka. Que nous parlons d'Israël dans la prophétie. Tunasemezea Israeli katika unabii. Et nous parlons de son plan du salut. Na tunasemezea juu ya mapu yake ya wokovu. Parce qu'Israël est sauvé comme une nation, pas comme nous. Sababu Israël abaokolewa sashi, bobe na okolewa taifa mujima. Ils sont sauvés par une foi collective. Beko na okolewa imani ya mukinkunji abantu bote. Ce qui est entièrement différent de nous. Il est ya kwachana kabisa kabisa na shie. Jusqu'aujourd'hui, kufika hata leo. Jusqu'à ce soir, Atai Mangaribi, nous n'avons pas encore commencé à parler du plan réel. Atuanza kusemezea akika yenye map ya kweli. Parce que cela va nous conduire aux 70 semaines de Daniel. Sababu ile itetongoza kumajuma makumi saba ya Daniel. Nous vous avions déjà dit. Tunesha miambia. Que le plan du salut d'Israël. Ya kwamba map ya wokovu ya Israeli. A été révélé à Daniel. Yo bari mfunulia au Daniel. Et cela est renfermé dans les 70 semaines de Daniel. Na ile yote inafungwa mwile majuma makumi saba ya Danieli. Il y a les 70 semaines de Daniel. Huku majuma makumi saba ya Danieli. Il y a aussi les 70 semaines, les 70 semaines les 70 années de la captivité à Babylone. Na kuku ile miaka makumi saba ya bufungwa mule mu Babiloni. Alors, sas. En parlant de l'indépendance d'Israël. Mukusemezea juu ya uhuru ya Israeli. Nous avons pris Esaïe 66. Tulibeba Isaya 66. Verset 7 à 9. Musaikia 7 mpaka 9. C'est le prophète Esaïe. Ni nabii Isaya. Dans toute la Bible. Mubiblia yote. Qui a parlé clairement wazi et avec exactitude na kunyoloshwa kabisa hakika la naissance de l'état juif kuzalikwa kwa jimbo wala inchi ya Israeli ya Bayuda. Mais cette nation n'a pas commencé n'a pas commencé en 1948. Mais lakini mu 1948 inchi haikuanza pan. Non. Apan. Israël a existé avant ce temps-là. Israël alianza mbele ya ile wakati. C'est pourquoi en parlant de la prophétie de Moïse depuis l'Ancien Testament, tangia agano zakale mukusemezea unabii ya Musa. Ça, vous pouvez le retrouver même dans Deutéronome chapitre 4. Il est monnaie du pata tam kumkum la Torah tu sura kaine. Tout ce qui devait arriver à Israël. Il est haute et pas chaque confiqué à Israël. Comme nation. Ça va taïfa. Une nation de Dieu. Taïfa à Mungu. Dieu l'avait déjà annoncé. Mungu arikuwa kanesha bisema. Dieu avait déjà annoncé. Mungu akwasha tangaza. Qu'il serait rejeté à cause de son péché. C'est ma quoi dit la zambe Israël. Mungu ateachiria wakati. Mais il ne serait pas rejeté pour toujours. Lakini aina kwa loti. Après qu'il soit dispersé, kisha Israël kuzambalala, il n'existera pas comme une nation. Aitakuya kote na sawa taifa. Mais dans l'amour de ce Seigneur. Lakini ndani ya mapendo katika mapendo ya Bwana. Dieu avait promis. Mungu alilakaka. Lui-même qui avait dispersé Israël. Yakusema, qui avait chassé Israël de son territoire. Yemu yafukuza Israël ya sambalisha Israël katika jimbo lake. Il va le retourner. Atamrudisha tena. Et Dieu a fait cela. Na Mungu ndiye alifanya. Et cette prophétie là, cette na, promesse. Na imalako. C'est dans notre âge ici. Ni mwiki zazi yetu. Que cette prophétie s'est accomplie. Njo hii unabiri timilika. Ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. Ile Mungu alitangaza kama wakati za kale kupitia Musa. par Jérémie, via Jérémie, presque par tous les prophètes, Ézéchiel, beaucoup Ezekieli, de prophètes, Waming, les Daniel, Danieli, Joël, Joeli, Amos, Amos, toutes ces promesses-là, I Malakoyoti, Dieu l'a accompli dans notre âge. Mungu aritimiza mwikizazi yetu. C'est dans cet âge ici ni mwikizazi que nos yeux ont vu jomule macho yetu naona Israël devenir Israël kurudia réellement une nation. La taifa akika. On a vu comment Dieu tuliona namna kani Mungu a retourné Israël. Arirudisha Israeli. Les autres venaient par bateau. Beina anza tokia kupitia mabaikebu. Les autres venaient par avion. Bengine baanza kwa kupitia mandege. Et ce retour là. Na kule kurudia. Pour votre information n'est pas encore terminé. Ah, abayaisha kurudia. Jusqu'à aujourd'hui. Kufika na leo. Les Juifs retournent encore dans leur pays. Bayuda bengari kila rudia muinchi yabo. Pour attendre le Messie. Juu ya kumchunga Messia. Bangari ma nation ma taifa ingine. Ils sont encore dans des autres pays. Na ma avion ikingari iko ne balurisha. Et il y a encore des avions qui les retournent dans leur Vous pays. Avez vu pendant la guerre ici la dernière guerre avec Hamas. Vita mwisho na Hamas muliona. 7 octobre. Ya le 7 octobre. Les Juifs demandaient à ceux qui sont exilés de revenir sur le territoire pour combattre l'ennemi. Bayuda baranza kulomba sema bale bote ma inchi ngine ngine barudie njo kumanisha adui wabo. Israël est retourné sur son territoire que Dieu lui avait donné. Na Israël arudia mujimbo ile Mungu alipatiaka. Il ne sera plus déraciné. Na abata mtukunyaka tena. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ pour eux. Fika na pale Bwana tarudia kwabo. C'est pourquoi vous m'avez entendu dire. Joko mana munishika kusema. Apa sasa mais actuellement. Maintenant actuellement. Dans le monde entier. Dunia mujima. Hakuna armée hata moya itawezi kuanéantir Israël. Ya aucune armée qui peut anéantir Israël. Bien que la Russie est la première puissance mondiale. Atavi la Russie inesha kwa uwezo ya kwanza dunia. Même les bombes de la Russie actuellement. Ma bombe ya Russia. Peut anéantir Israël. Ya leo haiwezi kuzambaliza wala kumaliza Israël. Aujourd'hui. Leo. Même si tous les Arabes. Atakama Arabu wote wa mizimba wote banesha kujunga. Même s'il initiait leur armée. Atakama banachanga masjesi yabo. Même s'il lançait la bombe atomique. Atakama banachanga bombe biologique. Voilà biologique. Sur le territoire d'Israël. Pa ile jimbo ya Israeli. Cela va tomber entre les mains du Seigneur. Ile bombe itaongea mikono ya Bwana. N'aura aucun dégât. Na haitafanya kibaya hata kimoya. Regardez les armes à longue portée. Mwangalie ima arme ma. Dans la guerre ici. Dernièrement, m'invite à mon nénémonène à Payakaouya pour ma. Il a lancé sur Israël. Masila monène il est Iran à tout pas Israël. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs. À Kukukuye tout quoi Arabie, chaque habit tout quoi Angouf. Il n'y a rien. À qu'on la quitte. Pourquoi? Dieu anime. Parce que c'est la volonté de Dieu. Sababu ni mapenzi ya Mungu. C'est le plan de Dieu. Ni mapu ya Mungu. Qu'Israël soit là. Ya kusema Israël ikuwe pale. Toutes les promesses que Dieu lui a faites. Kusudi ile malaka yote Mungu amulaka ipate kutimilika ku Israël. Et pour nous les nations. Na kwetu shie mataifa. Quand nous voyons Israël commencer à retourner. Tukumukona vile Israeli kunarudia. Il est sur son territoire. Anaanza kurudia muinchi yake yenye kuwa huru. Pour nous c'est un signe qui prouve. Kwetu ni alama kunaonesha kusema. Que Jésus-Christ. Yesu Kristu. Est proche. Anakaribia. Sa venue est proche. Kuya kwake kunakaribia. L'enlèvement de l'épouse na est proche. Kunyanyuliwa kwa bibi harusi ni hapa sasa. Alors nous devons relever nos têtes. Sasa tunapasha sasa shiku na musha bichwa yetu. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendwa. Et nous vous avons dit hier. Na tuliambia jana kusema. Que cette indépendance. Yasema hii uhuru. Comme une nation. Sawa taifa. Qui renaît. Ile inchi nazalikwa. Nazalikwa. Ça s'est accompli. Ilitimilika. En 1966. Mu 1966. Le 14 octobre. Le 14 octobre, moi j'ai accumulé la moja. 1967. C'est l'indépendance d'Israël. Jo bari sema Israël na kwa uhuru. Avant ce temps. Mbela ile wakati Israël n'existait plus comme une nation. A Israël haikuyurakane kama taifa. Savez-vous cela? Et mnajua ile? Les gens ne savaient pas situer où se trouvait Israël. Bantu abakwanza kujua tena sema Israël inekalaka wapi? Mais Dieu savait qu'Israël était dispersé dans le monde entier. Ma Mungu yakwasha kujua sema banecha kuzambalala mudunia mujima. Et celui qui l'avait dispersé na ula ribazambarishaka devait le retourner. Aripasha kubarudisha. Voyez bien mes frères. Munaona wapendo wa nduku. Voyez bien mes sœurs. Munaona wapendo wa dada. C'est ce qui a été fait. Na njoo ile ilifanikwa. Avec le retour d'Israël. Na kurudia kwa Israeli. Donc le 14 mai 1948. Vraiment, le 14 mai 1948. Notez cette date là. Le 14 mai. Le 14 mai 1948. Israël est devenu une nation. Bakatangaza kusema Israël na kuwa taifa. Et à cette date-là, na muile tare moamoya. Ésaïe 66. Isaïe 66. Verset 7 à 9. C'est accompli littéralement. Il timilika paka vile ilikuwa inikuandikiwa. Maintenant, dans le monde arabe. Sasa ulimwangu ya Kiarabu. Ainsi que dans parmi toutes les nations. Na hata katikati ya mataifa yote. Il considère Israël comme un occupant. Bo beko nona kusema Israël arinyanganya. Comme un voleur qui occupe les portions de terre d'autrui. Ya kusema Israël ni mwiji arinyanganya bulongo wa benyewe wala nchi ya benyewe. Les musulmans, les arabes, wa Islam, wa et arabes, les restes des nations païennes, na aba mataifa yote ya kipagani, ils traitent Israël banekaraka ngusema Israël comme quelqu'un qui est allé ravir le territoire d'autrui qui ne lui appartient pas. Ni mutu larenda kunyanganya jimbo wa benye aina yake. C'est ainsi que nous avons pris cette deuxième pensée. Jo ivi turibeba wazo ya pili. Nous avons commencé par vous dire que regardez le territoire que Dieu a donné à Israël. Il est Mungu alimpatia Israël. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Ni Mungu ndio mwalimu mwenye ulimwengu. Il est le tout puissant. Na ni yeye wa uwezo wote. Il a créé les choses visibles et invisibles. Yeye ndio aliumba vitu vya kuonekana na visipo kuonekana. C'est le seul maître. Na ni yeye mwenye. Qui a le pouvoir. Mwalimu moya ule kuna uwezo. De donner du territoire à qui il veut. Ya kupatia bulongo ule anapenda. Et dans la volonté parfaite de Dieu. Na katika mapenzi kamilifu ya Mungu. Il appela Abraham. Wakati alimuita Ibrahim. Voyant son obéissance et l'alliance qu'il avait fait avec lui, c'est Dieu qui a dit, moi, Jéhovah, je donne le territoire de Canaan à toi et à ta postérité après toi. Voilà les limites de votre territoire. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 15-18. Njoo ile tulisoma mu mwanzo 15 mstari wa 18. Nombre 34. Hesabu 34. Verset 1 à 12. Kwanza kufika paka na 12. Dieu a éclairé. Mungu ariangaza. Ses limites. Ana anasema mipaka. Aliweka mipaka ya bulongo wa Israeli. Du nord. Anasema kaskazini. Au sud. Kuna kusikumu. De l'est. À l'ouest, pour que personne ne trompe, Israël a pris le territoire d'autrui. Ya kusema Israël arinyanganya bulongo wa benyewe. Tout se trouve dans la Bible. Yote ile inapatikana mu Biblia. Les limites sont là. Na mipaka iko hapo. Mungu yeye mwenyewe. Dieu lui-même. Il avait dessiné. Carte ya bulongo ya Israël. Ah, la cartographie d'Israël. Ce n'est pas l'ONU. Aina ONU. Ce ne sont pas les nations ici païennes. Aina imataifa qui se sont réunies. Ils ont décidé non. Nous te donnons toi Israël. Oui Israël. Territoire non. Mipaka yo yapana. Comme on l'a fait avec l'Afrique. Ça veut dire faire en Afrique, kupitia bazungu. Voyez bien mes frères. Mnaona wapenda ndugu. Voyez bien, mes sœurs. Non, non, quand les blancs sont venus partager l'Afrique, Afrique, où s'est partagé le monde, voilà, vous remarquerez qu'ils prenaient la même famille. On divise la même famille par deux. Ils sont séparés seulement par une rivière ou par une montagne. Voilà Kirima. C'est pourquoi vous voyez il y a des Bemba et les Bemba c'est une seule famille. Ma frontière yote. Vous allez voir partout si nous prenons notre pays partout dans nos frontières ces gens-là des frontières ce sont des frères c'est le père mais ce sont les blancs qui les ont divisés même la guerre que vous voyez à l'est. Il y a des Rwandais du côté Rwanda. Bah Rwandais, du Rwanda, côté Congolais. Ah, il a vu des politiciens, mais qu'on a sait pas pour les. Ce n'est pas ce que les policiers sont en train de dire. J'ai ma faille d'ayabo, depuis tu as bongo. Et même quand vous retournez dans l'histoire, comme on a redit à moi, le Burundi, ou dans le Burundi, le Rwanda, une partie d'Ouganda, Panda Ouganda, appartenait au Congo. Il croit qu'il y a un Congo. Ce sont les blancs pour les diviser. Du y a beaucoup tawala muzuri ba pasha kabula. Maintenant, comme des politiciens sont des malhonnêtes, ils prêchent leur évangile démoniaque selon leurs intérêts. Maintenant, pour Israël, Dieu n'a pas fait des choses comme ça. Dieu n'a pas partagé des tribus avec d'autres nations. La terre que Dieu a délimitée. Il n'y a que les enfants d'Abraham et les enfants d'Abraham qui sont composés dans 12 tribus. Vous ne pouvez pas trouver un juif, vous voyez, qui appartient aux Égyptiens. Un juif qui appartient à l'une des tribus des enfants de Jacob. Il y a tout à Jacob. Israël est un peuple mis à part. Israël est taïfa et c'est un royaume séparé de toutes les nations. Na mataifa yote. Et son territoire est bien clair. Na jimbo lake wala bulongo yake iko wazi. Kama munangalia, si vous observez, kufuatana na Biblia, selon la Bible, ile bulongo Mungu alimpatia Israel, le territoire que Dieu a octroyé à Israël. Depuis arrondir en 1948, il est rentré en 1948, officiellement, kwa batu bote banajua, il a récupéré le boulon. Il n'a jamais récupéré ce terrain. Jusqu'à ce soir ici. Jusqu'à la Mangaribi. Israël n'a pas encore récupéré son territoire. Israël a habité à Jimbolaki. Par la grâce de Dieu. Kopitiane Mamou. Moi, votre frère, je suis témoin. Ça fait deux fois que je suis parti à Israël. Manambiri mindu kwenu komushua. Bawe kuelewa cartologie à Israël. Pour comprendre la cartographie d'Israël qu'il a aujourd'hui, il faut se aller visiter. Comme nous, les parents, là, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il y a deux fois, vous trouvez une petite terre. Kabulon kamakaloko. Au milieu. Katikat. D'Israël. Il y a Israël. Qui appartient? Mais la qui n'est palestinien. Quand vous prenez par exemple. Quand tu as Béba comme fan. Et Bethléem. Bethléem. Mais Bethléem, c'est tout le monde, toute l'histoire. Adisioté. C'est que c'est pour Israël. Maintenant, c'est Bethléem et Israël. Attends, quand tu as Yesu. Mais Bethléem est entre les mains des Palestiniens. Bethléem, Léo, Omicron en Palestine. Les policiers qui sont à Bethléem. Bah, les policiers sont Bethléem, des Palestiniens. Bah, Palestiniens. Les Palestiniens sont des Philistins. Ma Palestinien n'est pas Philistia. Mais c'est lui qui gère. La kini oule la sécurité intérieure. Kingo amulendan. Ce sont les Palestiniens. Ma Palestinien. Mais maintenant la sécurité extérieure. La kini kingo ainge. C'est Israël. Israël. Vous allez comprendre ça comment? Tebelo anamnakan. Il y a des choses comme ça que vous ne comprendrez pas. Kukobitu ya hivi amoyi skweleo. Mais il faut être là pour comprendre. Mais la kini afai kufika njo akweleo. Il y a eu de la confusion avec les négociations de l'ONU. Mais ce territoire-là, la kine le jimbo, que les Palestiniens possèdent, ils doivent partir en Israël, doivent être récupérés par Israël. Israël n'a pas ce qu'il n'engagne. Vous voyez, frère. Non. Mais maintenant, non. Après avoir dit hier, voilà les limites que vous pouvez lire là-bas. Ah, mais pas quel mot le soma. Dans Genèse, dans Nombre, dans Josué, dans Ézéchiel, dans d'autres écritures. Ce sont des limites qu'on ne peut pas falsifier. Ni mami paka ile abawezi kubadilisha. Maintenant, nous avons dit ceci. Ça, tu m'as bien dit. Le retour d'Israël sur son territoire. Kurudia kwa Israël mujimbo lake. N'a pas été apprécié, n'a pas été accueilli correctement par les Arabes. Wa Arab abakufuraiye na kurudia kwa Israël. Quand Dieu chassa Israël de son territoire. Wakati Mungu alifukusha Israël mujimbo lake. Le territoire était resté vide. Kusema ile fazi ilibakia wazi hapa bakie muntu. Maintenant les Arabes. Sasa wa Arab. Ano profité. Walifaidia. Pour venir occuper. Wule wakati banakuwa kukala. Le territoire d'Israël. Bafasha Israël. Et avec des colonisations qu'il y a eu. Na kupitia makutawaliwa kule kukua kako. Les Britanniques, les Anglais. Wa, souvent, le territoire d'Israël. Mara mingi jimbo Israël. Est devenu comme une terre de réfugiés. Ilikuya sa fazi ya kufuchamia wakimbizi. Quelque part. Wakati kuko mvita fazi fulani. On prenait les réfugiés là-bas. Balanza kubeba wakimbizi. On allait les mettre en Israël. Balenda kubaweka mu Israël. Parce qu'Israël n'était plus là. Sababu benye bayuda bakuye. C'est ainsi que vous trouvez. Joyvi mutaona. Des Marocains. Kukuba Marocains. Des Algériens. Wa ba Algériens. Et même des Égyptiens. Na ata wa Égyptiens. Qui se réclament d'Israël. Bale banekalam kusema beko ba mwile bulongo wa Israël. Ils ont été amenés là comme des réfugiés pendant les guerres qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de guerres. Saba rappeleka mule saba kimbizi. Saka kukua manvita mingi mingi mule. Ça, c'est peut-être pour les gens qui lisent l'histoire. Ils ont peiné Dieu à battre dans la Bible. Na banecha kutumkiza zaidi katika Biblia. Mais si cela est la volonté du Seigneur, kama ni mapenzi ya Mungu, je peux vous montrer les dates, les moments, les guerres. Mimi nimeonyesha matare, mavita. Ile fasi wa mwaka mwaka fulani. Les Marocains. Barpeleka wa Marocains. En Israël. En Israël. Comme réfugiés. Ça, wakimbizi, on a amené les Égyptiens en Israël, Israël comme Israël, réfugiés. Ça, wakimbizi, les Algériens comme réfugiés. Ça, wakimbizi, c'est ainsi que vous voyez. Joyvi mutaona, il y a presque maintenant une grande confusion. Inaleta sa mvuruko mkubwa. Quand les gens lisent. Wakati batu kuko nasoma. Hadisi. Sans Bible. Bila Biblia. Il ne peut pas comprendre. Abawezi la réalité sur le territoire d'Israël. Ukweli yulo alejibu wa Israël. Des immigrés. Wajili abale wakupungiza. Bale bale pelika pelika mule. Na bale abakukue katika Israeli. Le territoire d'Israël. Na jimbo wa Israël. N'appartient pas aux musulmans. Aikukue aba islamu. C'est un mensonge. Ibongo kabisa. Vous voyez, frère. Unaona nduku. Vous voyez, sœur. Unaona dada. Alors je vous disais hier. Na jana naanza niambia. Le retour. Kurudia. D'Israël sur son territoire. Kwa Israeli mulongo yake. N'a pas été apprécié. Aba kufurahiwe batu. Par les Arabes. Wa Arab aba kufurahiwe. Ils étaient tristes. Balipata uzuni. Parce qu'ils voyaient que le territoire qu'ils occupaient ne sera ravi par les propriétaires. C'est ainsi qu'ils ont fait des organisations pour combattre Israël, Israël avec l'intention na de l'éliminer, ya de le faire disparaître, de la carte. Israël, mukart, ça, c'est l'objectif na, ile ni shaba, de tous les Arabes. Ya ba Arabu bote. Voyez bien mes frères. C'est dans cette option na, ni akiri, qu'ils avaient créé Jobaritunga, les gouvernements. Donc la République arabe unie. Serikali ya Waarabu benye kungana. La République serikali ya Waarabu kuungana inaisha kutungwa na Waarabu wa mingi mainchi ya mingi ya Kiislamu njo bale bali ungana pamoya contre Israël. Juu ya kukumbanisha Israeli. Il était même pas satisfait avec cette organisation. Na ile muungano haikubatoshe kipaka bakufurahia ile muungano. Dio bakaenda tena kuunda l'organisation muungano de la libération ya uru, de la Palestine. Ya Palestina. Et ma organisation yote. Toutes ces organisations. Si yabo, leur objectif Israël, c'est de chasser territoire yake, dans son territoire na, bah, complètement, et de passer Israël kabisa kabisa. Donc batote Israël. Ah, les enfants d'Israël de les effacer. C'était ça leur objectif. Joe Shabayabo. Même aujourd'hui, c'est leur objectif. Attends, Léo, ni pas qu'il est Shabam, moi, avec Onaïo. Arafat l'avait exprimé très clairement. Arafat, Dieu a dit, c'est Makawajoua. Il a combattu Israël. A combattu Israël jusqu'à la fin de sa vie. Avec cet objectif. Naïki Fukuzio. Et ceux qui sont restés. Nabar Babakia. Ils étaient animé du même objectif. Barikwa na ile shaba moya fukuzio. C'est ainsi que nous avons dit. Joy vijana tulimwambia. Comme ils ont dépensé malveillant sur Israël. Sable bobe kuna mawazo paka ya mubaya yule wa Israeli. Ils ont profité na barifaidia. En 1967. Mu 1967. Au début de l'année 1967. Mwanzo ya mwaka 1967. Lorsque l'Amérique. Pale Amerika. Refusa d'assister et l'Egypte. Il katala kusaidia Misri. Amérique a rikatalaka kumupachia. Israël, Amérique avait refusé une aide alimentaire annuelle de fournir Moussada à Chakula et Mwaka. C'est l'argent qu'on donnait à Israël. On payait les aliments ainsi qu'avec les engrais, les médicaments Égypte. Pour aider l'Égypte. Il y a eu un conflit entre eux. Et Israël a arrêté cela. Na au Israël, début de 1967. Moi, en 1967, Israël en a chimamis à Ivy. Les Arabes. Ça, Arabes. Savent que. Bobana Djoua Kusema. L'Amérique. Amérique. Est un allié d'Israël. Il n'est qu'à la carrière, il n'est qu'à Kungana en Israël. Ils le savent comment. Bana Djoua Namnaka. C'est pas par magie. Aïna Kutia Magie. Quand Dieu a dispersé Israël. Wakati Mungu a dispersé Israël. Beaucoup de Juifs sont allés se réfugier. Bayouda Mamingi va rendre aux États-Unis. Et Dieu les a bénis terriblement jusqu'à ce soir. Na kufika tai mangaribu Mungu alibapaiki ajabu. Ils ont ajabu. Beaucoup d'argent. Na beko na fait. Et ils sont intelligents. Na beko akili sana. C'est presque des savants. Na ni banajua sana. Idiote mwana shikia uweza Amerika. Uza. Ni akiri ya Bayuda. Kwenye la puissance de l'Amérique. Beko parmi ni akiri ya Bayuda. C'est l'intelligence des Juifs qui sont parmi ma gouvernement yabo. Dans leur gouvernement. Dans le domaine de la science. Mumambo ya kielimu. La science. Elimu. Et entre les mains. Iko kabisa kwa mikono ya Wayuda kwa Amerika. Ni kusema hata uchumi. Et entre les mains. Iko mu mikono ya Wayuda kwa Amerika. Il y a des grands bouana qui sont juifs. Ya qui ont le sang juif. Bale biko na damu ya Kiyuda. Mais qui sont américains. Mais lakini benye kwa ba Amerika. Ils ont pris la nationalité américaine. Bale beba ile kwa Amerika. Et ils ont pris au temps de la persécution. Kati ya mangaiko wala mateso. Et c'est eux qui font le poids. Na ni bojo beko napatia nguvu. En Israël. Mule, en Egypte. Mule mu Amérique. En Amérique. Mu Amérique. C'est pourquoi bonjo beko banekala beko na décidé. C'est eux qui prennent des même décisions. Même quand il y a kuchakula ba président américain. Même lorsqu'on veut choisir les présidents américains. Vous verrez que à chaque fois. Que ce soit les républicains. Que ce soit les démocrates. Que ce soit démocrates. Banekala beko na bembelesha Israël. Ils ont. Ils parlent en bien. C'est bien qu'à Bizouri, Dieu à Israël. Dieu Yanin. Pourquoi? Quand on a sémé des paroles contre les Juifs, là tu parles, maintenant on va y aller. Qui tiennent l'économie de l'Amérique. Bale Bakubwa, il y a eu Beko Mou Amérique. Ne vous interrompons pas. Avant Takuchakula, Bale Beko Nafeza Mingi Mou Amérique. Et c'est ce qui fait la puissance de l'Amérique. Na Dieu le Konapatia Ouezo Kabisa Amérique. Et les Arabes savent cela. Na Arabes Banesha Kujua Ili. C'est pourquoi vous voyez, même à l'ONU, même tout le le monde, si même actuellement, Absa. Tout le monde peut voter contre Israël. Israël. Lui seul. Vous avez Amérique seul, seul, elle impose son droit de veto. Ah, à la lia qui a beaucoup bois. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Alors, comme les Arabes savaient cela, ils savaient que l'Amérique parle toujours pour Israël. Ils protègent Israël. Mais avec cette prise de bec entre l'Égypte et les Américains, alors les Arabes ne pouvant pas atteindre l'Amérique, ils voulaient maintenant s'abattre. Ils se sont abattus sur Israël, l'allié des Américains, Rafiki wa Israël, qui est à côté d'eux, et qu'ils considèrent comme leur ennemi. Vous voyez bien, aimé frère. Vous voyez bien, aimé sœur. C'est ainsi, comme nous l'avons dit hier, le 18 mai 1967, le gouvernement de la République des Arabes Unis va demander officiellement au secrétaire général de l'ONU qui devait enlever le casque bleu dans Sinaï. Sinaï est un territoire égyptien. Mais à cause de menaces des Arabes, l'ONU avait décidé qu'on crée une zone tampon pour qu'il n'y ait pas affrontement entre l'Égypte et Israël. Et le gouvernement va demander cela. Non, gouvernement est Kalumba. Et quand il demande cela, le 18, le 21 mai, Ahmed, Koulekoumed, qui est le chef de l'organisation, à cette époque-là, qui était le chef de l'organisation de la libération de la Palestine, il va dans chaque mosquée en Égypte. Akaenda maskani ya mosquée kule ko Caire, kila maskani ya. Le Caire, c'est la capitale de l'Égypte. Caire ndio muji mkubwa ya Misri. Hivi tuko na Kinshasa. Comme nous avons Kinshasa, c'est la capitale Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Muji mkubwa ya nchi yetu. Caire aussi. Na Caire na yo. C'est la capitale de l'Égypte. Muji mkubwa ya Misri. Maintenant, ce monsieur arabe, il va dans toutes les mosquées de la capitale de l'Égypte. Il proclame une guerre ouverte contre tous les juifs. Et quand il a prêché ça, il n'a pas la renda kubiri ville. Ce n'était pas fini. Accouché pâle. Le 22 mai 1967, le président égyptien lui-même, Moyen Raïs ou Amistri, Monsieur Nasser, Kamal, lui, Yeye, il proclame aussi, Naye Anatangaza, la fermeture du golfe. Ya kusema bafunge golfe. De Kaba. Ya Kaba. Il proclame ça. Anasema bafunge ville. Il avait proclamé ça pourquoi? Dieu a nini alisema ka bafunge golfe. Est-ce que vous entendez que golfe nini? C'est on a seulement écouté déjà football. Golfe, c'est l'ouverture yamai, hein? Golf ni pour que tout le monde yakubari. Njia baadhi wote agiliwe ni kufunguka kule kwa mtoni. Ni kipande ya balabala. C'est une partie de la route bahari, qui se retrouve sous la mer. Il va permettre ma bateau ya Israël qui permet le bateau des Juifs de leur procurer la nourriture parce qu'elle leur besoin. C'est la seule ouverture qu'Israël a vers la mer. Là où il peut faire entrer ses marchandises. Là où tous les bateaux qui allaient dans le monde entier peuvent entrer. Maintenant, le président égyptien Nasser. Ça, ça, Raisi wa Nasser. Le 22 mai 1967. Il ferme le golfe. Anasema ile njia kukaba ile baifunge. Vous voyez? Munaona? Quand il ferme ça, wakati anafunga ile njia pamai, Israël voyait déjà qu'il était menacé. Israël anaona kusema anashambuliwa kuna kwa hatari. Il observait. Lakini arebakia kimya mkuangalia. Et en Israël, il y avait beaucoup de débats. Na Israël, mulikuwa sasa mabishano ya mingi mingi. Chesu kwa mbele yote. Mukipende kusoma mzuri. Vous venez à la maison. Unakuwa kunyumba. Avec votre flash. Na flash yenu. Je vous donne les vidéos sur la guerre de 6 jours. Tempatia ma video yule aliye invite ya masiku 6. Les Arabes pensaient. Baranza kuwazia kufanyia kusema. Israël est encore faible. Sabre Israël engariki mzaifu. Il est à peine de rentrer. Bana gudia. Il n'est pas encore organisé. Jona nafika kwa na matengenezo mzuri. Profiter pour l'anéantir. Tunaweza kufaidia njoo tumumalize. Il s'est trompé. Lakini baranza kujidanganya. Vous voyez? Unaona? Pourquoi il s'est trompé? Juani baranza kujidanganya. Il voyait la petite les petits peuples. Baranza kuona kankunji kaloko kwa ile taifa wa Yuda. Il est rentré. Rudia. Mais il ne voyait pas que ces petits poignets de gens se trouvaient entre les mains du Tout-Puissant. Car quoi, mikona wa wezo yote. Leur arme, c'était le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu Nanimu. Qui est le protecteur, qui kinga, est le défenseur, na qui est le commandant de l'armée israélienne. Elle n'avait pas vu cela. Na boba kuone ile. Ils ont commencé ces manœuvres là. Bananza ile mchezo ile. Pour affaiblir Israël. Juu ya kulekesha Israël. Et quelques jours après. Na mashuki doko kisha. Ils bloquent les détroits. Banafunga. Des tirants. Détroits ile ya kutirant. Des tirants. Les trois. Toujours cette ouverture. Paka ile njia ile. Il empêche maintenant les bateaux israéliens d'entrer. Dieu a kuzuiza sasa mabato ya Israeli shingi. Quelques temps après. Wakati kidogo kisha. Ça ce sont les causes. Ile ni masababu sasa. Voyez, fermeture. Ilikuwa ni kufunga. Des trois des tirants. Ile jia kutira ile. Deuxième cause. La fusio apiri. L'Égypte. Égypte. Masse beaucoup de troupes. Inasukuma matrupi ya mingi baskari mingi. Banaenda kuweka. Oui. Ils ont massé Manenda kueka beaucoup de troupes majesi basila dans mingi, le Sinaï. Mule Musinaï. Là où ils avaient demandé au casque bleu. Mule barirumbaga ba casque bleu de quitter. Pailu fashi. Et quand ils ont fait ça, na pale alfanya vile, ils se préparaient pour la guerre. Baranda kujitayari. Et Israël les observait. Na Israël akuwa ni bangaria. Awezi kwenda kuyaja. Tu ne peux pas aller entasser les militaires aux frontières. Mwakati akuna atari. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes en guerre avec les rebelles de l'autre côté. Mais regardez les bataillons. On va les amasser vers Kalemi. C'est parce que c'est là où il y a la guerre. On prépare une contre-offensive. Beko na tayari sasa kumrudisha vita. L'Égypte non, a fait ça. Ville, il avait massé beaucoup de troupes, des militaires égyptiens dans le Sinaï, parce qu'il préparait une guerre contre Israël. Et Israël voyait cela. Israël a quoi naona ile. Vous voyez. Non. Et maintenant. Nasser. Nasser. Toujours le président égyptien. Pakaule raisi wa Égypte. Il fait une déclaration publique. Akasema sasa waziwazi akatangaza. Il dit maintenant la guerre est ouverte avec Israël. Anasema hapa sasa tunaanza vita na Israël. Une grande armée. Sasa nuna jeshi mkubwa. Je vais détruire Minenda Israël. Sasa kuharibu Israël. C'est sa mission. Na njoo yenye ka shaba yake. Pour laquelle il a massé des troupes. Yenye aranza kuyazia baskari kule kumimpaka na Israël kusinai. Israël observait cela. Na Israël alikuwa anaangalia hili. Ça c'est la troisième cause. Ile ni sababu ya tatu. Vous voyez? La troisième cause. Sababu ya tatu. Les déclarations, la proclamation. Tangaza. Hein, de détruire du président égyptien Nasser. Kwa araisi Nasser. Qui disait qu'il va détruire Israël. Ule alisema atarabisha Israeli. Et il avait proclamé qu'il lui fera certainement la guerre. Na alitangaza kusema hakika ni vita inaanza. Eka Nasser. Na wakati Nasser proclame la guerre. Anatangaza vita. Et la destruction d'Israël. Waribifu wa Israeli. Tous les Juifs. Na Yuda yote. Il était en complicité. Alikuwa anaenda kuungana na bale ba Arabu bote. Précisément. Précisément. La Syrie. Pourquoi Syrie? Et la Jordanie. Na Jordanie, bah quoi ça kungana na ai? Et la Jordanie. Na Jordanie. Et la Syrie. Na Syrie. Avait pris ces militaires. Na bo baribia baskari yaki. Et les avait donné à l'Égypte. Na bakampati a Misri. Ils étaient sous le commandement d'un général égyptien. Na jemadari wa bote alikuwa ni wa Misri. Vous voyez, parce qu'il devait combattre Israël. Là, pas combattre Israël. Et cela créa des tensions. Na ile ikale na tena mzozo mkubwa. Entre la Syrie. Katikati ya Syrie. Entre la Jordanie. Jordanie. Ainsi que Israël. Na Israël. Parce qu'Israël a compris. Sabu Israël a elewa. Que les trois alliés ici. Ya kusema aba batatu bana ungana. Ils ont fait un front commun. Walifanya wanaungana pamoja. Avec leurs militaires. Na baskari yabo. Ah, pour venir me détruire. Jua kwa kunyaribu. Ils comprenaient cela. Israël a kwa mwenye kuelewa hili. C'est ainsi. Joe Ivy. Quand Israël. Wakati Israël. A vu toutes ces choses là. Aliona ile mandamano yote. Il était coincé. Alikuwa mwenye kusonga mwenye kufungwa. Il n'avait pas de défense. Ashukwe na wakukombania. Bu Israël baanza tumania tu ile wa Mungu. Le président d'alors. Na raisi d'alors. D'Israël. Wa mu Israël. Lui ne comprenait pas. Yari kwa shaelewa. Il disait aux militaires, Israël, on doit négocier. Asema tu mapashi kwenda mapatano. On doit négocier. Mapashi kwenda mapatano. C'est ainsi que Joy Vibo, la population, taifa batu, les Juifs, Bayuda, et on dit, manasema, non non, hapana. Il faut Moshe Dayan. Moshe Dayan inafadhali. Le général là a un soleil. Ule jemadari wa dicho moe. Donne-nous ce général là. Utupatie huyu jemadari. Parce qu'il nous a déjà aidé. Sababu anisha kutusaidia yako. Les gens se sont c'était un peu révolté contre le président. Bantu walifasa mtumbukia rais anasema amuelewe. C'est ainsi. Joivi. Condona à au général. Bale patia israélien. Ule jemadari wa Israël. Cette mission. Wampatia hii kazi. De préparer l'armée. Ya kutaisha jeshi. Pour la guerre. Dieu invite. Ils n'ont pas eu peur. Aba ushikeboka. Ils n'ont pas craint. Aba kongope. Ils avaient seulement une seule devise. Barekuya tu ramse momoe. Mourir. Ufwa. Pour conserver. Dieu akuchunga. Notre progéniture. Uzao yetu. Mourir. Ufwa. Pour conserver. Dieu akuchunga. Le territoire que Dieu nous a donné. Jimbo ile Mungu alipatia. Ça c'est ça la force d'Israël. Il est Jonguva Israël. Dieu ya kufuia bulongo bule Mungu alibapatia. Mourir pour le territoire que Dieu lui a donné. Tout juif il est prêt. Il est prêt lui seul. Yeko tayari yeboya. Combattre avec 2000 même combattre avec 2000. Ya kombanisha hata batu 2000. Ala naboka. Ils n'ont pas peur les juifs. Sa vie. Maisha yake. Il la donne. Yeko pour que ses frères vivent. Dieu bandu kwake bapate kuishi. C'est ça la devise. Jo ile msemo yabo. Vous voyez. Unaona. Et Israël. Na wakati Israël. C'est vu qu'on coincé. Ariona sema anasongwa anafungwa. Alors les généraux. Sasa wajimadari. Israélien. Wa Yuda. Ont pris la décision. Baribeba mpango. De d'attaquer préventivement. Ya sema batangurie kokombalisha. Ah, Israël et l'Égypte. Ba Yuda, ba Misri. Voyez bien mes frères. Munaona nduku. Voyez bien mes sœurs. Munaona dada. Et ce comportement là. Na hii nana kutenda. Israël garde toujours. Israël ne garde kuchunga paka. Israël apenda qu'un vita ingie mubulongo yake. Israël n'aime pas que la guerre puisse entrer dans ce territoire. Kabulongo yetu kiko kaloko. Parce qu'il dit que j'ai une petite terre et nous sommes encore très peu nombreux. Si inafanyika mubulongo yetu, nous voulons livrer bataille sur notre terre. La plupart de nos frères vont décéder et nous allons détruire nos histoires. C'est pourquoi Israël, lui, il entre toujours préventivement. Parce que dans la guerre, na vita, la guerre n'a pas de cœur. Vita est carré na moyo. Vous voyez bien mes frères. On a un anduk. Vous voyez bien mes sœurs. On a dada. Et na. Le 5 juin 1967. Israël prend la décision. Israël carré mipango. De contre-attaquer, de faire une attaque préventive. Ou tanguria kukumbanisha. Contre l'armée égyptienne. Yesi ya Misri. Dans le Sinaï. Là où on avait amassé le militaire, c'est ce qu'il avait fait. Et après cela, il va attaquer toute l'aviation égyptienne. Ma bateau yote ya Mistri. Ma avion yote ya Mistri. Qui était dans les bases cachées. Il va quoi chafouchika moule ma. Dans les bases cachées. Ma base yabo na kwacha futika. Israël. Dans 3 heures. Madakika tatu. Il avait anéanti. Ari posesha. Il avait anéanti. Ari tous les avions militaires. Aku maliza ma avion yote ya Misri. De telle manière que. Nana akusema. L'Égypte n'avait plus une couverture aérienne. Misri akukwete na ma avion ya mafuta yu. Il ne pouvait plus attaquer Israël. Maintenant, c'est Israël qui contrôlait l'espace aérien. Maintenant, quand l'Égypte a vu qu'il n'avait plus une couverture aérienne, ils ont déclenché les chars par terre. Voyez, les chars pour attaquer Israël. Et l'aviation Israélien avait commencé à pilonner Bakanza, ça, les colonnes de chars. On avait pilonné char par char. Char bombardé kupasula mugari kishagari gari kishagari. Na mudame akusema dans six jours. Machiku sita. D'abord le premier jour, deuxième jour, troisième jour, même une partie, attaque pande, une grande partie, pande qui n'est donc des chars égyptiens, ya magari ya Egypte, a été mis hors service. Barito a écouté qui était là, qui posait. Et dans six jours, na machiku sita, après que la guerre soit déclenchée, qui s'invite à quoi? Arrivé les 10. Fika. Le 10 juin 1966. L'armée israélienne. Jeshia Israël. Atteint le canal de Suez. Barifika kulo canal de Suez. Et le sud de la péninsule de Sinaï. Nakumangaibi kulo kwa Sinaï. Une fois je vais dire Bakataria. Là où on les avait. Ils sont devenus maîtres de ça. Bakabeba ile face na makaanza kuyongoza. Voyez bien mes frères. Unaona nduku. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada. Et Israël, l'armée israélienne, Israël, après qu'ils aient vaincu l'Égypte, ils ont maintenant foncé vers Jérusalem pour affronter les Syriens, les Jordaniens, les Jordaniens qui étaient tout autour de Jérusalem. Et l'armée israélienne a foncé jusqu'à ce qu'ils ont atteint la vieille Jérusalem. Baribamba, Jérusalem à Zaman. Jérusalem Est. Jérusalem est à l'ouest. Et ils sont allés jusqu'au mur de lamentation. Lorsqu'ils ont eu accès au mur de lamentation, tout Israël avait éclaté de joie. Pourquoi? Ils ont donné gloire à Dieu qui leur avait donné victoire sur leur ennemi. Israël n'a pas de temple. Non, Israël est à China na ekalu. Ni kala ka kipande ka kibumbashi. C'est parti des murs de la lamentation. Il y a temple à Jalo ya Salomon. Ya kibumbashi. Jo pour wanaenda ka kuomba. Ya ekalu ya Salomon jo était là où ils avaient prié. Ils vont écrire leurs prières sur leurs papiers. Ils vont aller dans des fentes là-bas dans les espaces. Quand vous les voyez toucher ces murs là, ce sont des prières qui sont en train de. Vous voyez bien mes frères. On en andouko. Parce qu'ils n'ont pas de temple. Ça va abana na ekalu. Et Israël a été victorieux. Non, Israël n'a pas voilà Chine. C'est comme ça qu'il a vaincu. A permis il murusu qu'Israël gagne encore beaucoup de territoires. Israël a parte kurudisha tena majimbo ingine. Il invite à 6 jours. Cette guerre de 6 jours. Il patia tena Israël bâti. Cela a permis à donner l'occasion encore à Israël de gagner encore d'autres portions de territoire pour ajouter sur une petite terre qu'il avait déjà. Ça, ni il a mari pata. Maintenant, il a gagné quoi? Il a gagné six choses. Ah, oui, n'habite sita. Après cette guerre-là. Qui j'ai le vita? Qui tu qui a quoi? La première chose. La première des choses qu'il avait gagné. Israël occupa. Israël a beba fazi. Le Sinaï, qui est une partie de l'Égypte. Sinaï, il n'y a quoi qui pend à Boulongo et Mistri. Deuxièmement. Il y a Piri. Il occupa la Cisjordanie. Akabeba et les Jordanie. Qui est l'ancienne Samarie? Yenye kwa Samarie ya zamani, ilikuwa kwa Samarie. L'héritage l'ancienne Samarie. Samarie ya zamani. Et de Juda. Na Judea, na Judea. De Judée qui est l'héritage d'Israël. Yenye kwa urithi ya Israël. Pendant la même guerre. Mule invita mwa moya. Troisièmement. Ya tatu. Il a gagné le plateau de Golan. Alibeba il est plateau de ya Golan. Qui est l'héritage de Dan? Il y a quoi aujourd'hui? Il y a Kabila et Dan. Qui était entre les mains des Syriens? Il y a quoi? Mumikona Asuria. Quatrièmement, il avait récupéré. Arienda tena kunyanga yebeba. Le territoire de Gaza. Bulongo à Gaza. Qui fait partie? Il y a quoi? Ah, de la tribu de Juda. Yamkizazi Ayudea. Il avait maintenant le contrôle sur ça. Arikuya na angalisi yula ile majimbo. Cinquièmement, ya tano. Il a pris la terre du sud de Liban. Aribeba ile bulongo ya kusudi ya Liban. Vous voyez. Munaona. Vous qui êtes des intellectuels, regardez la carte, vous verrez cela. Mwangalie carte mwe yufunda mtaona. Donc il a pris une partie du territoire. Sema Arebeba kipande ya bulongo ya Liban. Et sixièmement, na ya sita, il a récupéré Arebeba, Jérusalem Est. Jérusalem ya kuest ngamboa. Qui est l'héritage de la tribu de Juda. Yenye kwa urithi ya kizazi ya Yudea. Donc bien, cette guerre. Nikusema ile vita a été bénéfique pour Israël. Ilikuwa ya faida zaidi kwa Israël. Avec l'aide de Dieu. Na usada ya Mungu. Il a encore conquis. Arienda hata kutawala. Le territoire qui lui appartient. Na kubeba tena bulongo wenye kwa wake. Qui lui appartient. Bulongo wenye kwa wake. Lakini les ennemis avaient occupé. Et jusqu'à ce soir, na akufika hii magharibi, il a encore d'autres terrains à occuper. Israël engariki na mabulongo tena akubeba kurudisha mwakati ya kufa atairudisha tena. Voyez frère. Unaona nduku. C'est ça que nous avons expliqué. Je tu me facilite à Jan. Sema mishendele. Et après cette guerre de 6 jours, na kisha invita machiku sita. L'ONU aussi. ONU nae lui a donné 14 300 km² de territoire. À une partie de 14 300 km carrés à Jimboté. On a essayé un peu d'agrandir. Bah, a pris maintenant à couler les pichacos. Il est Jimbo à Israël. Ils ont dit. Il y a encore des Juifs qui sont dans le monde. Garé qui va y aller avec un qui doit venir. Bah, les ambassades pour le dire. Mais dans cette portion de terre que vous avez, ça ne sera insuffisante. Il faut les augmenter un peu. Bah, les mamans patane. Et c'est ce qui a été fait. Il y a d'autres territoires qu'Israël va récupérer. Voilà ce que nous avons dit hier. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ces histoires, vous n'arrivez pas à comprendre là où nous avançons. Ce que nous vous expliquons, il y a des termes bibliques que vous lisez toujours. Vous maintenant, on va commencer à vous expliquer ces choses-là. Quand, la bébé, quand vous lisez, vous comprenez. Il y a des prophéties qui concernent les Juifs, qui concernent tous ces gens-là. Mais Dieu ne les a pas écrites dans des termes actuels. Dieu utilise des noms anciens, des noms de l'ancienne. Oui, bien, mes frères. Maintenant, nous allons vous aider. Ça, tout est mis à voilà ce qui est dit c'est ici. Voilà comment on l'appelait dans la Bible. L'ancêtre de cette nation ici. Gambo Waïtaïfa. Ah, se trouve dans la Genèse telle. Alors maintenant, vous comprenez comment. Ça parle de Jésus. Voilà ce que nous avons expliqué hier. Joe, il est tout une facilité à Jan. Donc, même ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. C'est moi, il est nita, il change à Léo. Ça va, c'est bien. Nous vous avez compris. Et Timon à Léo. Et aujourd'hui encore, vous n'avez pas compris. Qui n'ont pas compris. Je vais t'expliquer. Si tu n'as pas compris, ou quoi, Kubiro, m'a facilité. Mettez votre main à l'air. Est-ce que mon achiki? Et vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que mon achiki? Avez-vous compris? Ça va. Nous allons continuer. La parole prophétique est compliquée. Mais non, Nabi, c'est compliqué comme ça. Mais moi, nous sommes un peuple prophétique. Mais vous aussi, Mukutaifa onabi. Nous sommes un peuple prophétique. Chez Mukutaifa onabi. Et nous devons comprendre la prophétie. Tu n'as pas ce que lui a onabi. Nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Chez tout bapendo wa mileli. À un bien-aimé, na kompendo, on lui cache rien. Avant fichigai kintu. C'est pourquoi nous comprenons ces choses. Je n'ai pas appris ça à l'école. Je n'ai pas appris ça à l'école. C'est seulement la grâce, Seigneur. Ni ne matu amu. Et vous devez comprendre ça. Na moi mon page kufika mkoelewa ile. Mais je vous fonde ma somme, vous ne pas moi, je n'ai pas fait français, de longues études. Attends, ma fonde de français, il y a plusieurs fautes. Mais Dieu nous a fait grâce de mais comprendre la des choses. Et c'est pourquoi nous efforçons à vous les transmettre. Je commande à tous les jikas, en tout cas, maintenant, lorsque vous venez, dans des enseignements pareils, ne venez pas pour somnoler, agrandissez vos oreilles et vos yeux. Si vous avez les soucis pour fond de comprendre réellement, Dieu vous fera grâce. Maintenant, si vous vous absentez en désordre à l'école, à votre époque à Kintu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ce n'est pas grave. Tout a indélea. Nous sommes dans notre église. N'est-ce pas? Civile. Inclinons nos têtes. Tunami Shebicho. Merci Seigneur. Accente Ebuana. La parole prophétique. Nena onabi. A toujours été difficile. Inekalaka kila mara kigumu. Seigneur, comme tu viens de le dire. Bona paka ivyo toka mkusema. Nous sommes les enfants prophétiques. Chie tu batoto onabi. Nous sommes censés comprendre tu n'as pas l'accomplissement de toutes les prophéties matimiliko ya manabi que tu as annoncé par nos prophètes bibliques. Ulitangaza kupitia wanabii wetu wa Biblia. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo nakusi. Déverse ton onction upate kumwanga upako yako sur cette église. Yula ikanisa. Et sur tous les frères qui suivront ces enseignements. Ata yula banduku bote bana tafata imafundisho. Que la même onction qui se trouve sur moi. Upako mwa mwana patikana yulu yangu. Se déverse aussi sur upate kumwanga tena yulu yabo. Que la même connaissance que tu m'as donnée sur les Écritures, il mandiko, que cela se déverse sur lui, de telle manière kusema, que nous soyons, que nous nous ressaisissons, que nous nous réveillons kulamuka, pour comprendre les vérités actuelles en attendant ton retour, quand tu viens chercher ton épouse, Seigneur, aide ce peuple, aide-moi, bénis le Seigneur, wabariki, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Mbariki. Vous avez déjà prié depuis le matin. Tangia asubuhi mnesha kuomba. J'invite le président du culte. Malika mtangulizi wa ibada. Venez dimanche matin. Fatikwa mbele ya wakati ya asubuhi sifaingi. Bale bote kuna lofwa. C'est qui s'absent? Kajiabu. Bale bote kuna lofwa kajiabu. C'est qui s'absent, c'est leur affaire. Vous allez manquer de comprendre les choses qui nous aideront. Efforcez-vous. Vous qui travaillez dans des entreprises, participez, c'est pour votre bien. Vous participez, nous avons besoin de bien. Maintenant, après tout un délai en profondeur, quand nous allons entrer en profondeur, alors que vous allez comprendre d'autres choses et Dieu va aider l'Église. Que Dieu vous bénisse. Mais priez pour moi, Mounyombe, parce que ce sont des choses compliquées. Hein. Il faut prier pour moi. Quand vous priez là, Dieu. Aide notre serviteur que tu puisses lui accorder encore la compréhension correcte et lui révéler encore beaucoup de choses dont lui un langage facile qui nous aidera à comprendre ta parole. Qui promet qu'il va prier pour moi. Ça va. Que Dieu bénisse.